imprime, on diffuse, on agrafe, on feuillette, on en cause, on se fait des petites coupures très chiantes avec les pages. C'est la chronique InfoKiosque sur Radio Cayenne. Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Ce jingle. Mais je sais pas, je crois qu'il y a un moment qui est passé à la trappe, mais c'est pas grave. Il faudrait que je revoie ça. On est toujours le lundi 14 janvier 2019 après Jean-Claude. Et du coup, c'est la chronique InfoKiosque sur Radio Cayenne. Et comme il y a 15 jours, c'était pas il y a 15 jours, c'était il y a plus d'un mois, je crois, je sais plus. Enfin bref. Je vais vous faire une petite fiche de lecture sur une brochure que j'ai lue. Alors je vais dire il n'y a pas très longtemps, mais c'était l'été dernier, du coup c'est pas super frais. Je vais essayer de faire des trucs plus frais à l'avenir. Histoire de moins hésiter et tout, mieux me souvenir, mais là c'est intéressant. Donc c'est sur la brochure qui s'appelle La répartition. Alors le titre est un peu à rallonge, mais il dit tout. La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation. Donc, comme la plupart des brochures qu'on vous présente, c'est disponible sur infokiosque.net. Donc, le super site indispensable que si vous ne le connaissez pas, faut arrêter ça. Et voilà. Et du coup, c'est tiré d'une étude réalisée en 1997 par Corinne Monnet. Dans le cadre des études de genre à Genève. Elle a été publiée dans la revue Nouvelles questions féministes, volume 19, en 1998. Donc voilà. Je vais vous lire une partie de l'intro, qui un petit peu illustre comment est foutue la brochure, comment elle résonne, quoi, tout ça. Alors... La conversation est une forme fondamentale de communication et d'interaction sociale et, à ce titre, elle a une fonction des plus importantes. Elle établit et maintient des liens entre les personnes, mais c'est aussi une activité politique, entre guillemets, c'est-à-dire dans laquelle il existe des relations de pouvoir. Dans une société où la division et la hiérarchie des genres est si importante, il serait naïf de penser que la conversation en serait exempte. Comme pratique sur laquelle nous fondons notre vie quotidienne, elle ne peut que refléter la nature genrée de la société. Nous nous demanderons si, au-delà du fait d'être un miroir de la société, elle ne réactive pas et ne réaffirme pas à chaque fois les différences et les inégalités de genre. Donc ça dit un peu tout de la logique du truc, quoi. Et je vais essayer de vous... Alors ça sera pas jusqu'à la fin, parce que j'ai pas pris des notes jusqu'à la fin. Mais c'est... voilà. Je vais essayer de vous détailler un petit peu le déroulé de la brochure. Alors, ça commence par une partie sur la longueur des contributions. Le début parle un petit peu de un peu comment on peut modéliser les conversations. Il y a plusieurs chercheurs et chercheuses qui ont un peu théorisé ça. Alors, je vous invite à chercher ça. Il y a... Alors c'est des noms, donc du coup, Chegloff, Sachs et Jefferson en 1974, qui donc disent le modèle de conversation est indépendant du contexte, mais il est sensible au contexte quand il est mis en application. Qu'il s'agit de partage et d'échanges qui permettent de promouvoir une compréhension mutuelle, et que le modèle de conversation idéal est égalitaire. Donc voilà. Il souligne aussi la prédominance des stéréotypes de genre, notamment de la femme bavarde, en soulignant que dans les faits, au vu des études qui ont été réalisées, c'est extrêmement loin de la réalité, et même plutôt le contraire. La norme qu'on peut constater, c'est que les femmes sont davantage silencieuses que les hommes. Euh, Donc que le référent de mesure de la propension des femmes à parler plus ou moins se fait de façon intuitive, c'est-à-dire que c'est pas du tout un truc qui est mesuré par les gens, c'est un préjugé. Il est souligné dans cette partie-là le rôle de l'école, donc dans laquelle les garçons sont encouragés à s'exprimer. Ils sont moins réprimandés lors de la prise de parole spontanée. Donc, et de fait, du coup, on rappelle que le temps de parole qui augmente, c'est du pouvoir qui augmente aussi. Alors la brochure enchaîne ensuite sur alors je sais pas, il se lance plein de trucs dans le studio là, ça aide pas des masses à se concentrer sur les notes, hein. Merci. Oui, la brochure enchaîne sur une partie sur les pratiques de conversation des hommes. Donc là, alors j'ai deux points que j'ai notés. Il y a interrompre pour les femmes. Donc par deux procédés, il y a le procédé de chevauchement et d'interruption. Donc qui sont. Alors chevauchement, c'est parler en même temps. Enfin, l'interruption, c'est juste couper. Mais c'est un peu pareil, du coup. Alors donc du coup, ce sont des moyens de contrôle de la parole des femmes. Et des parades de pouvoir et de contrôle. C'est des choses qui sont liées au symbolique. Donc, tech, oui, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je l'ai pas lu, du coup, il manque un peu d'exemples. Et alors, du coup, les études ont montré que le statut social par rapport au statut de genre avait moins d'impact dans les interruptions, c'est-à-dire dans. Donc, quelqu'un qui aurait un capital culturel apparent supérieur à une autre personne interromprait moins. Qu'un homme interromprait une femme dans les conversations. Donc c'est assez intéressant à constater, quoi. Et dans ces pratiques conversationnelles des hommes, il y a une deuxième pratique qui est l'imposition du silence aux femmes. Alors comment ça se fait, ça? D'abord, il est constaté parce que dans le domaine de la parole, il y a quand même beaucoup de préjugés. Et du coup, les sociologues ont beaucoup cherché à les re-questionner. Et il a été constaté extrêmement clairement que les femmes étaient beaucoup plus dans le silence que les hommes, donc parlaient beaucoup moins. Et après les interruptions dont on parlait avant, les chevauchements et confirmations minimales, les acquiescements brefs, sont retardés chez les hommes. Alors là, ça demande un petit peu une mise au point. Les acquiescements, bref, c'est quand on est ou oui, continue. Ou oui, c'est ça, c'est comme les confirmations minimales. Et que chez les femmes, c'est des choses qui venaient juste après les propos. Et que les hommes avaient plutôt tendance à le faire bien après. Donc ce qui peut avoir un petit peu du sens dans la façon dont se déroule la conversation, dans le réel intérêt qui est montré à la parole de l'autre. Donc voilà. Et l'autrice fait du coup un rapprochement entre la parole des femmes et des enfants. Et démontre qu'il y a vraiment un droit qui est limité à la parole. Du coup, c'est. Voilà. Ensuite, alors la brochure enchaîne sur comment sont choisis les sujets de conversation. Alors, on reparle des interruptions et des réponses minimales. Les interruptions et les réponses minimales dans le modèle de conversation sont. Peuvent avoir comme effet de changer de sujet. Alors bon, on va le voir un petit peu après, il me semble, mais que ça dépend qui interrompt et qui fait les réponses minimales. Et qui pousse à changer de sujet. Et bon, on se doute un petit peu de la réponse d'ailleurs, mais. Donc voilà. Et alors donc il y a les interruptions et réponses minimales. Il y a les énoncés simultanés, c'est-à-dire. dire la même chose en même temps ou à la suite. Donc il y a une imposition de l'énoncé fait par les hommes. Donc les hommes ont plutôt tendance à reprendre la parole et alors oui, c'est ça. Suite à une interruption et Ah oui, non, mais en fait, j'avais pas tout lu. Oui, c'est ça. Suite à une interruption, les hommes ont plutôt tendance à reprendre la parole et ne pas intégrer ce qu'ont essayé d'introduire les femmes dans la conversation. Tandis que les femmes, suite à une interruption d'un homme de leur énoncé, ont plutôt tendance à s'effacer. Voilà. Toujours sur le choix des sujets, enfin souvent dans une conversation, il y a des périodes de silence, et c'est normal. Mais dans le cas où c'est une femme qui ne reprend pas la parole, on va dire, c'est pris un petit peu comme une autorisation de passer à un autre sujet. Mais alors que il est constaté plutôt enfin que l'intention vraiment c'est de signaler qu'une règle de communication n'a pas été respectée. Mais voilà quoi. Et quand le silence interrompt dans une conversation entre hommes, et ben y a quand même une reprise du sujet d'origine, qui a été choisi par le mec qui a commencé la conversation, et beaucoup, enfin beaucoup plus. Après, je vous invite évidemment à lire la brochure pour voir le détail des études. Alors, la brochure est un tout petit peu aride, c'est plein de trucs, plein de descriptions d'expériences de psychosociales. Mais voilà. Alors ensuite, la brochure, elle enchaîne sur les pratiques de conversation des femmes. Et donc, par les études citées, il est noté que les femmes posent 2,5 fois plus de questions que les hommes. Et donc, ça montre quand même un intérêt au sujet, une volonté de participer au travail de la conversation. Les femmes font 2 fois plus de tag questions, c'est-à-dire quand elles parlent, elles emploient des expressions genre tu sais quoi? Enfin, des choses qui impliquent l'interlocuteur dans la conversation. Et alors l'interprétation qu'on est donnée, il y a plusieurs interprétations qui peuvent en être données. C'est soit la traduction d'une insécurité, ou alors une façon de garantir la continuité de l'interaction. Mais du coup, qui est beaucoup moins fait par les hommes, parce que du coup, il y a moins cette insécurité, évidemment, et qu'il y a d'autres moyens de garantir l'interaction. Je sais pas si c'est garantir l'interaction, mais la continuation de la conversation. En tout cas, c'est rappeler à l'autre qu'on est bien en train de discuter avec et qu'on l'interpelle. Bah oui, c'est ça, ouais. C'est oui, c'est vraiment impliqué et interpellé, ouais. Donc de tout ça, on peut en conclure vraiment une division asymétrique du travail d'interaction dans la conversation. Par rapport à ce qu'on a déjà constaté, on peut voir que le rôle des femmes, alors quand je dis c'est vraiment constaté dans des études, donc c'est des choses statistiques. Hein. Si vous connaissez quelqu'un avec qui c'est une meuf avec qui c'est impossible de converser, ça veut rien dire en vrai. C'est pas la question, hein. Que le rôle des femmes est plutôt en général de soutenir la conversation, mais que ce rôle est nié et déconsidéré. Enfin, qu'il est pas du tout mis en avant, quoi. Et que celui des hommes est de dégager leur propre discours de l'état de. Ah oui, c'est ça, oui. C'est une expression qui est assez intéressante, c'est dégager leur propre discours de l'état de simultanéité. C'est-à-dire en gros, d'avoir une idée à dire et de pas tenir compte de l'état de la conversation pour l'exposer, quoi. Et au final, de décider du sujet, de la façon de l'aborder et de la façon dont le dialogue va évoluer. Alors, justement, après ça, la brochure, elle parle de bah, qu'est-ce qui se passe quand les femmes, elles adoptent d'autres pratiques de conversation. Et bien là, c'est y a vraiment un type de répression. Donc, des meufs qui se plient pas à ces normes genrées de conversation. Il y a une stigmatisation. Les meufs qui essayent d'adopter, on va dire, des pratiques normales en vrai dans une conversation sont décrites comme bavardes en général. C'est là qu'on voit le concept de double standard, qui est un truc sexiste de base, où ben on juge pas de la même façon les actes d'un homme et d'une femme. Et il y a donc il y a cette stigmatisation et des remises en cause de leur féminité. Donc parce que voilà une femme qui s'exprime de façon normale, bah oui, ça choque tous ces stéréotypes de genre qui enferment tu les femmes dans un rôle un petit peu secondaire, enfin plus qu'un petit peu d'ailleurs. Et alors en plus de ça, il y a donc une interprétation des communications non verbales. Alors chez les hommes, il y a plein de communications non verbales qui sont des façons d'asseoir des représentations de pouvoir. Donc que ça soit quand on parle de non verbal, c'est par la gestuelle, etc. Et quand ce sont les femmes qui font appel à ces communications non verbales, ça a tendance à être interprété comme des invites sexuelles en fait. C'est comme ça que c'est déconsidéré dans la conversation et donc voilà. Dans les autres transgressions qui peuvent être perçues dans les conversations, il y a évidemment le fait de tenir à son sujet et de le rappeler. Ne pas se taire après une interruption, ne pas apporter systématiquement son soutien aux conversations des hommes, bah tout ça apporte un petit peu au même mécanisme de dépréciation, de stigmatisation, de remise en cause de la parole des femmes dans les conversations. Donc voilà. Alors je vous invite à lire cette brochure qui est disponible sur infokiosque.net. Voilà, donc c'est issu d'une étude réalisée en 97 par Corinne Monnet. Voilà. Alors, dans le cadre de cette chronique infokiosque, je vous invite grandement à nous dire ce que vous pensez de la forme. Alors là, c'est vrai que c'est la deuxième fois que je fais une fiche de lecture, c'est peut-être un peu aride et pas super marrant, mais je sais pas. Peut-être ça vous donne envie de lire les brochures en question. Je pense qu'on va essayer de réfléchir à d'autres types de contenus pour cette chronique. Est-ce qu'on passe à la suite, un petit ou des réactions? Ça m'a pas mal rappelé des repas de famille et des situations familiales que j'ai vécues. Surtout étant petite, en fait, surtout de la part de mon daron, je crois que la phrase que j'ai le plus entendue, c'est tais-toi, en fait, tu parles trop. Et il y avait, comment dire, cette double punition de à la fois me dire d'arrêter de parler parce que j'étais une fille, je pense, mais aussi parce que j'étais une enfant. Et qu'une enfant, en fait, ça n'a pas à prendre le terrain conversationnel des adultes et c'est pas considéré comme digne. De participer à la conversation où en fait on m'accusait de vouloir monopoliser l'attention, que j'avais juste envie d'avoir des discussions avec les autres. Et ouais, enfin, la brochure rappelle assez bien tout ça. Et aussi, comment dire, sur les petites interjections que les femmes vont plus souvent faire pour soutenir la conversation, pour montrer que Elle porte attention à ce que l'interlocuteur va dire, les oui, d'accord. Ça, c'est des choses que les mecs, enfin, je le constate, font juste beaucoup moins. Et le font après, en fait, comment dire, après un long moment de silence, où moi, ça me donne l'impression, en fait, d'être dans une espèce d'attente, en fait, que l'autre, le mecton en face de moi, valide mon discours, alors que c'est pas du tout ça que je veux, en fait. Juste qu'il écoute, quoi, pas qu'il intègre, qu'il réfléchisse et qu'il voit ce qu'il en pense. Enfin, c'est pas une requête que je lui dépose, c'est une conversation, en fait. Ce que j'aurais envie de dire de ça, c'est cette brochure, elle pose beaucoup, beaucoup de constats, mais que c'est pas des choses qui sont immuables, en fait, et que l'idée, c'est pas de dire les mecs, ils font ça, les meufs, elles font ça. Et, non, bien sûr. Mais qu'il y a des... du coup, tout ça, c'est issu de l'éducation, que du coup, ça fait partie du patriarcat, de cette oppression là, systémique, qu'en disant ça, on met pas des gens en accusation, en fait. Mais que c'est des trucs sur lesquels faire attention et c'est des choses qui peuvent changer en fait et que le but de dénoncer en fait de faire ces constats c'est de demander à ce que ça change en fait et que les personnes aussi elles prennent sur elles là tous ces je pense toutes les personnes qui sont reconnues dans ces trucs et même des gens qui se reconnaissent pas parce qu'ils se voient pas faire du coup de faire gaffe à comment on fait et d'essayer de changer quoi et j'aurais un petit message aux pro-féministes qui nous écoutent ou qui nous écouteront en podcast plutôt que de passer son temps à nous expliquer comment ils sont trop classe à soutenir les trucs féministes blablabla et à passer 3 heures à en parler et que nous on les écoute bien gentiment parce qu'on est quand même bien sympa de passer plein de temps à écouter comment ils font pour être trop classe à soutenir les luttes féministes, et ben il fera mieux de déjà lire cette brochure et de penser à tout le temps qu'il passe à nous parler de ça et tout le temps que nous on passe à écouter en fait avec tout le boulot déjà qu'on fait pour que ce monde de merde y change et que notamment ça change, qu'ils passent du temps à faire en sorte de déjà changer leur mode de conversation. Ça me donne envie de bailler. De penser au pro-féministe. Ouais, au patriarcat. Mais ouais, du coup, aussi dire aux mecs d'arrêter de prendre les meufs pour des références et des réservoirs pédagogiques à disposition en matière de féminisme, de systématiquement demander... Enfin, moi, j'en ai marre que systématiquement mes potes mecs me disent « Ah oui, toi, là, question féminisme, qu'est-ce que t'en penses ?» je sais pas, en fait, t'es capable de réfléchir tout seul. Souvent, en plus, ta question est dans la réponse, et puis j'en ai marre, en fait, d'avoir à donner cette espèce de validation. Surtout quand ils ont le privilège, en fait, de pas avoir spécialement besoin que leurs propos soient validés, en fait, légitimés. Enfin, ils sont bien capables de lire, ils sont bien capables de réfléchir tout seuls, et ça commence à bien faire. Oui, et puis cette brochure, elle montre bien que il y a moyen de se documenter sans faire chier les féministes. Et en vrai, là-dedans, il y a des trucs que j'avais pas conscience sur effectivement les réponses minimales. C'est vraiment très intéressant. Et ouais, en fait, moi, je me rends compte que ça m'arrive souvent quand je parle avec des mecs cisgenres d'avoir un truc en tête à dire en fait et d'attendre que la personne ait fini sa phrase et en fait de guetter en fait le moment où je vais pouvoir en placer une. Et que souvent, des fois, n'arrive jamais. Bah oui, souvent, des fois, ça dure 1 minute, 2 minutes, et c'est juste insupportable, quoi. Moi, j'ai une pensée aussi pour toutes les personnes qu'on assigne femmes et à qui on renvoie ce truc d'être bavarde, de trop parler, et que j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de personnes. Que ça arrive à beaucoup de meufs en fait à qui on reproche soit on fait la remarque, c'est pas toujours un reproche, tu vois, mais à qui on dit t'as un moulin à parole, ouais, tu parles beaucoup, tout ça. Enfin, moi je peux me reconnaître dans les gens qui parlent beaucoup, mais c'est pas très souvent que ce retour il est fait à des personnes qui ont été éduquées comme des gars et à la fois parce que effectivement l'éducation, cette éducation genrée, elle va plutôt éduquer les personnes qui sont assignées comme des mecs à beaucoup beaucoup intérioriser